Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons continuer dans notre chapitre 21. Hier, on avait vu que Dieu a fait toutes choses nouvelles, et on a vu, je pourrais dire, une grosse image, nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Toutes choses avaient été faites nouvelles. Et ce matin, nous allons faire un focus sur une partie de cette grosse image-là que Dieu va nous présenter l'épouse de l'agneau. Notre Père éternel, nous te glorifions, nous te bénissons, que nous pouvons regarder ce matin à ce que va savoir ressembler le monde nouveau dans lequel nous allons vivre. Nous allons regarder le monde tel que toi tu le vois et tu nous le décris. Seigneur, notre but en lisant ces versets, c'est de faire monter vers toi des louanges, de reconnaissance, de tout ce que tu as fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Donc hier, nous avons vu les nouveaux cieux, nouvelle terre, le nouveau tabernacle de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, la nouvelle vie de ce peuple-là. Et aujourd'hui, Dieu va nous présenter l'épouse de l'agneau, ou la femme de l'agneau. Donc, s'il parle de l'épouse et de la femme de l'agneau, il parle de vous et moi. Ceux qui ont gardé la foi en Jésus-Christ, ceux qu'ils ont persévéré jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Aussi longtemps que nous lisons dans le Nouveau Testament l'histoire de la femme de l'agneau, nous la voyons imparfaite. Nous la voyons prise avec le péché. Nous voyons cette épouse qui combat entre la chair et l'esprit. Cette épouse qui est en lutte, est en doute, qui persévère tout le temps, mais toujours dans cette lutte, parce qu'elle est encore avec le péché dans sa vie. Mais dans ce chapitre-là, ici, verset 21 du verset 9, il est suivant. Dieu nous décrit l'épouse de l'agneau ou la femme de l'agneau comme il la voit dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Donc, il parle de vous et moi, de ceux qui persévèrent, et il nous décrit. Il nous décrit. Regardons comment Dieu nous décrit. Comment est-ce qu'on va être dans les nouveaux cieux, nouvelle terre? On va lire à partir du verset 9. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait une mesure, un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et la longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite de jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Donc, un ange s'adresse à Jean et lui dit au verset 9, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » On s'attendrait à voir descendre quelque chose qui ressemble à une femme. Mais non. C'est quelque chose qui ressemble à une ville, au verset 10. Il dit, il m'emmena sur une grande montagne et je vis une ville, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et à la gloire de Dieu. Donc, il nous parle de la femme de l'agneau, de son épouse, et il la décrit comme étant une ville. Comme la ville de Jérusalem est souvent appelée dans l'Ancien Testament la femme de Dieu. Comme Dieu parle de son peuple comme étant son épouse dans l'Ancien Testament, cette jeune fille qu'il a mariée. Donc ici, il va parler de la femme de son fils, de Jésus, comme d'une ville. Et il la décrit. Certains y voient une vraie ville. Si on voit ça comme une vraie ville, bon, ça nous décrit que le ciel va être une merveilleuse place. Si on le voit plutôt comme la femme de l'agneau, qui veut dire nous, parce que la femme de l'agneau dans tout le Nouveau Testament, l'épouse de l'agneau dans tout le Nouveau Testament, et même dans l'Apocalypse, c'est l'Église. La ville de Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. J'aime mieux voir cette description-là comme une description de l'Église telle que Dieu la voit après qu'il ait fini de la transformer complètement. Dans toute sa pureté, à cause du sang de l'agneau qui l'a purifié et l'a lavé. Donc, il la décrit avec des termes très riches. Comme on parle des choses les plus précieuses de ce monde. On parle de son éclat comme étant du cristal, de pierres précieuses, de jaspe. On parle de murailles remplies d'émeraudes, d'argent, de d'or. On parle d'or pur, tellement pur qu'elle est transparente. On parle de chaque porte qui est une immense perle. On parle que l'épouse va être composée des 12 tribus d'Israël. Et va être composée de l'Église qui ensemble de toutes les 12 apôtres. Donc, il va y avoir des descendants d'Israël, il va y avoir aussi les gens de l'Église, tout ce peuple-là, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ils vont être ensemble. Il n'y aura pas de différence entre les Juifs et les nations, mais c'est toutes les nations de la terre. Quand tu fermes les yeux et essaies d'imaginer la splendeur de cette ville-là, la beauté, la grandeur de cette ville-là, tout est brillant, tout est magnifique, tout est merveilleux. Il n'y a aucun défaut de fabrication. Ça, c'est la façon que Dieu voit l'Église après qu'il ait fini son œuvre dans l'Église. Je ne crois pas qu'il faut essayer d'interpréter chacun des détails. C'est quoi, pourquoi il y a plus des perles, puis pourquoi il y a de l'or, puis pourquoi... Non, ce qui est important, c'est que l'Église, telle que décrite ici, elle est divinement parfaite. Elle est parfaite pour toujours, éternellement. Et parce que c'est lui qui l'a rendue parfaite, c'est lui qui va recevoir l'honneur, la louange, l'adoration pour cette épouse-là. C'est lui qui nous a élus avant la fondation du monde. C'est lui qui nous a purifiés dans le sang de l'agneau. C'est lui qui nous a sanctifiés. Et c'est lui qui présente cette épouse-là à son fils. Parce qu'il dit, elle vient d'auprès de Dieu. Elle descend d'auprès de Dieu. Je ne crois pas que c'est la description de juste une ville. À moins qu'on y veuille lui donner une interprétation double. Voici, c'est une ville dans laquelle on va vivre dans le niveau de nouvelle terre. Et en même temps, ça représente les chrétiens qui sont dans cette ville. Et que cette description-là décrit les deux, la ville et les gens qui sont dans la ville. Je pourrais accepter ça. Mais j'ai bien la misère à croire qu'il parle ici seulement que d'une ville comme telle, qui serait bâtie dans ces matières-là. Parce que il a bien dit au verset 9, « Viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. » Et dans cette nouvelle ville-là, dans cette nouvelle place-là, il n'y a point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc, cette nouvelle Jérusalem-là, cette épouse-là, va être dans la présence de Dieu, dans la présence de l'agneau. Il n'y a plus besoin de temple. Le temple était quoi? Illustration de la présence de Dieu et du moyen pour atteindre Dieu. C'était à travers le temple qu'on accédait à Dieu. Mais maintenant, il n'y a plus de temple. Ils sont toutes les deux ensemble. Dieu va être présent, on a vu ça hier. Dieu va vivre avec eux. Dieu va vivre avec l'épouse de l'agneau. Pas de temple, pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout des luminaires. Et là, ils n'ont plus besoin parce que Dieu est son soleil. L'agneau est son flambeau. Et c'est lui qui va éclairer toutes choses. Moi, je crois qu'on parle autant ici de lumière spirituelle que de lumière physique. Que c'est finalement, nous allons voir Dieu tel qu'il est. Il n'y aura plus aucune représentation. On n'aura plus besoin de temples et d'autels et de sacrifices et de toutes ces choses-là qui étaient des types de la vérité, des exemples, des leçons de choses. Mais là, la lumière qui est là, elle va faire quoi, la lumière? À quoi ça sert, la lumière? Ça sert à l'éclairer. Donc, Cette lumière va nous permettre de voir Dieu, de voir l'agneau tel qu'ils sont. Et tant quand on va voir Dieu, quand on va voir l'agneau, nous allons les adorer, nous allons être tellement émerveillés que nous allons tomber sur notre face et nous allons les adorer, les louer et les servir pour l'éternité. Et au verset 24, 25 et 26, il dit que toutes les nations de la terre, tous les rois de la terre vont apporter leur louange dans cette ville, dans cette présence de Dieu. Je crois que ici, pour ma part, personnellement, c'est ces rois de la terre, toutes les nations de la terre, c'est les croyants de toutes les nations de la terre, tous ces gens-là, c'est pas une élite qui va être dans la ville. Et là, on va emmener dans la ville ces choses-là. Mais la ville, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu est là. Et donc, tous ceux qui font partie de cette épouse de l'agneau vont emmener l'adoration, vont emmener leur louange dans la présence de Dieu et vont le servir, l'adorer là dans la présence de Dieu. Donc, si j'essaie de résumer ça, le fait qu'il n'y a plus de péché dans le nouveau ciel, nouvelle terre, depuis que cette femme-là, elle est parfaite, et maintenant, elle contemple Dieu d'une façon parfaite, elle le voit parfaitement à cause de sa lumière que lui va amener sur nous, et il n'y aura plus aucun obstacle à le voir tel qu'il est. Nous allons emmener notre adoration, notre louange, notre honneur, notre service à ses pieds et nous allons le servir pour toujours. Et là, il répète ce qu'il avait dit au verset 8. Mais il n'entrera pas chez elle. Il n'y aura pas dans cette présence de Dieu-là, parmi l'épouse de Dieu, dans cette nouvelle Jérusalem-là, il n'y a aucun abominable, il n'y a aucun mensonge qui va y rentrer. Tous ceux qui ont été des idolâtres, tous ceux qui ont aimé le mensonge au lieu de la vérité, vont pouvoir jamais, jamais, jamais entrer dans la présence de Dieu. Jamais. C'est maintenant qu'on fait notre choix. C'est maintenant qu'on fait notre choix. C'est maintenant que on adhère par la repentance et la foi à Jésus-Christ, à Dieu. Et comme on a vu hier, ceux qui vont vaincre vont avoir droit à ces nouveaux cieux, nouvelles terres-là. Vont avoir droit à ce nouveau monde-là. Et tous ceux qui n'ont pas voulu adhérer, qui n'ont pas voulu se repentir et croire, qui n'ont pas voulu prendre la marque et le sceau de Dieu, mais qui ont pris la marque du diable, n'auront aucun accès, jamais, pour l'éternité, à cette nouvelle ville de Jérusalem. Notre Père du ciel, béni sois-tu. Quel monde merveilleux tu as préparé. Quelle gloire te revient pour avoir transformé l'épouse pour qu'elle puisse s'adapter au nouveau ciel, nouvelle terre, pour qu'elle puisse vivre dans ta présence. Et dans ta présence, il n'y a que la perfection, la pureté, la sainteté, la justice. Il n'y a rien de souillé dans ta présence. Donc, l'épouse devait être parfaite, sans ride ni tache, sans aucune souillure, afin de pouvoir se présenter devant son Dieu, devant son roi, devant son époux, et l'adorer et le servir pour toujours. Tout l'honneur te revient. Amen.